C'est le commentaire de la Ligue nationale avec notre collaborateur Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, c'est fou comment ça change vite, hein? Puis moi j'étais un dessus, là. Je me trompe pas d'histoire. J'étais un dessus qui réclamait qu'il y ait plus de. Qu'il y ait du changement, qu'il y ait de la reconstruction chez le Canadien. Puis finalement, ben, deux victoires de Carey Price, deux blanchages, et là, c'est reparti. Là, c'est des séries éliminatoires. On vise les séries. Ben, écoute, c'est sûr qu'à Montréal, c'est pas long. Hein? Avec le Canadien, on vit avec les émotions du moment. Alors, le Canadien a perdu deux en ligne, puis c'est la fin du monde. Et puis, on doit tout échanger. On doit mettre tout le monde dehors. Puis, il en gagne deux de suite. Puis là, ben, c'est en route vers la Coupe Stanley. Alors, il faut être capable de gérer ces émotions-là. Ou ce que, quand l'équipe va bien, il ne faut pas s'emballer trop vite. Puis quand l'équipe va mal, mais ben, il ne faut pas penser que tout est fini. C'est ça qui est difficile, je crois, avec le Canadien. Mais on le dit, puis on le répète. Puis à toutes les fois qu'on se parle de ce sujet-là, ça revient toujours à la même affaire. Le Canadien vont à l'image de Carey Price. Mmh. Alors, quand Price gold comme il le fait, mais c'est sûr et certain que le Canadien ont de meilleures chances de l'emporter. Puis quand Price est très ordinaire, ben l'équipe devient très ordinaire. Alors, est-ce que Price va être capable de garder la cadence? Là, tout d'un coup, il semble miraculeusement être revenu là en santé. Fait que tant mieux, mais il faut quand même se garder une petite gêne là jusqu'ici parce que là, sont loin un d'avoir fait des séries là, puis sont loin de, comme dirait Jean Perron, là, sont loin de la coupe au lièvre. Non, effectivement. Puis, écoute, le problème d'attaque demeure profond également. Là. Buffalo, c'est quand même pas une grande équipe. Columbus, ça a bien été, par contre. On a battu Sergei Borovski, qui est un des bons gardiens de but de la Ligue. Mais la prochaine séquence du Canadien, ça va être très, très, très importante. Ben, c'est sûr que, écoute, c'est pas dur, Danny. Le début de saison du Canadien fait en sorte qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre. Mm. Alors, ce prochain segment de game-là est aussi important que le prochain qui s'en vient parce qu'ils ont plus d'espace. Mm. Ils ont eu un mauvais début de saison, ce qui fait qu'ils pourront plus arriver puis avoir des mauvaises séquences parce qu'à chaque fois que ça va arriver, ben ça les éloigne d'une possibilité de faire les séries. Alors, oui, la prochaine séquence est très, très importante, mais une fois qu'elle va être passée, cette séquence-là, même s'ils ont du succès, on va dire, ils peuvent pas échapper à la prochaine non plus parce que sont déjà à côté au mur. Alors, c'est une situation qui est vraiment pas facile pour le Canadien. Puis, il va falloir vraiment qu'ils jouent du hockey très inspiré puis qu'ils n'échappent pas de plate, comme on dit, pour espérer là, pouvoir faire les séries. OK. Dis-moi, ce soir, il y a un autre adversaire qui est en ville, les Sénateurs d'Ottawa. Ça va pas bien, les Sénateurs d'Ottawa. Ils ont perdu plusieurs matchs. Je pense que c'est 6 défaites consécutives. Matt Duchene a marqué son premier but. Matt Duchene, qu'est-ce qui fait qu'un joueur comme ça arrive d'une nouvelle équipe et qui peut prendre du temps à s'acclimater? Ben écoute, chacun vit son adaptation à sa façon. Hein. Il y a des joueurs qui vont arriver, qui vont changer d'organisation comme ça, puis qu'ils ne réussiront pas à s'acclimater à un nouveau système de jeu, à de nouveaux coéquipiers, à une nouvelle atmosphère. On a des exemples, on en a une tonne d'exemples de gars que ça allait très bien avec une équipe, surtout avec une autre équipe, ça va ordinaire. Puis on a également vu le contraire souvent. Des histoires à la John Leclerc là, qui ne marchait pas à Montréal, puis qui arrive à Philadelphie, puis qu'il est un joueur extraordinaire à Philadelphie. T'en as, fait que c'est pas chaussure à ton pied dans toutes les organisations. Là. Puis ça existe dans tous les sports. Tu sais, des fois, t'es dans une zone de confort où tu es, tu joues avec des joueurs avec qui tu es habitué de jouer, où ce que la chimie est bonne. Puis là, tu arrives avec une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs, une nouvelle philosophie, puis la chimie n'est plus aussi bonne. Alors, c'est ce qui fait que c'est peut-être plus difficile pour certains joueurs, et ça semble être le cas pour Duchene, puisque il ne semble pas encore avoir retrouvé sa vitesse de croisière. Mais moi, pour avoir vu quelques matchs, là, je peux vous dire que c'est seulement sa production offensive qui n'était pas là, parce que je l'ai vu quand même jouer des bons matchs. Et il finit ses matchs avec 5-6 lancers au but. Il a bien patiné, il a bien travaillé, mais il ne réussissait pas à produire. Alors peut-être que ça va débloquer là, dans les prochaines semaines. OK. Hey, j'ai parlé avec Patrick Henry, mon collaborateur à Edmonton, qui suit les Oilers d'Edmonton. Ça va pas bien du côté de cette organisation-là. Hein. Et puis Pacioretty hier a rien fait pour rassurer hier les gens d'Edmonton et Todd McLellan. Ses commentaires, en tout cas, je cite, on a l'impression que ce club-là meurt à petit feu. Est-ce que ça va prendre un électrochoc pour renverser la vapeur? Ben écoute, Danny, les Oilers, là, c'est pas de cette année que ça va pas bien. Non. Hein? Oui, c'est sûr et certain que McDavid, là, c'est le gars qui ramène de l'espoir à Edmonton. Hey, mais ils ont été un 4-5 ans là, à avoir des choix de première ronde. Puis malgré tout ça, là, ils réussissaient pas à lever, là. Alors là, on a une lueur d'espoir, mais tu regardes l'équipe, là, dans les buts, c'est encore archi mauvais. Défenseur, c'est so-so. Tu sais, ils dépendent trop ils dépendent trop de peu de joueurs. Et ces peu de joueurs-là, quand je parle de Draisaitl, quand je parle de McDavid et compagnie, mais ce sont des gars qui sont pas encore à maturité. Tu sais, tu peux me dire, Pittsburgh, c'est la même affaire. Ils ont pas un super, super gardien. Ils ont pas des défenseurs spé, mais ton noyau de leader est à maturité. T'es Malkin, puis t'es Crosby, puis t'es Letang, puis Kessel. Tu sais, c'est des gars qui sont à maturité, là. Alors, eux autres sont capables de transporter leur équipe, alors qu'un McDavid et un Draisaitl, ils ont même pas ensemble 10 ans d'expérience dans la Ligue nationale. Alors, ça va prendre encore un certain temps avec les Oilers, soit une équipe là, potentielle de gagner la Coupe Stanley. Et puis, ça va prendre plus de stock que ça, parce que comme c'est là, il y a beaucoup trop de trous à Edmonton là, pour pouvoir espérer d'être une équipe qui aspire aux grands honneurs. C'est incroyable, pareil. Hein? Tu sais, le talent est là, mais tu sais, Jello ne semble pas prendre. C'est vraiment ça qui semble arriver. Des Yakupov de ce monde qui ont été repêchés là, puis des gars qui n'ont pas levé. Ouais, puis, c'est dommage. Il a une bonne année, mais c'est quand même pas... Hein? C'est plate, là, des Tyler Hall qui sont partis, des Eberle qui sont partis, c'était des beaux talents, tabarouette, pour les Oilers, là, c'est dommage, Yakupov, c'est plus là, c'est des gars qui ont pas levé à tu sais, là, t'es chanceux quand tu réussis, là, à avoir, admettons, le premier choix overall, là, pendant une fois aux 10-15 ans, là, tu te tapes dans les mains pis tu dis, yes sir, c'est le fun, on va pouvoir rebâtir ça autour de là. Eux autres, ils l'ont eu pendant 4-5 ans, ces choix-là, puis ils n'ont rien fait avec ça. C'était une catastrophe. Alors, c'est sûr et certain qu'en tant qu'organisation, ils doivent faire un examen de conscience parce que, heureusement qu'ils ont eu la chance d'avoir ces joueurs-là. Puis malgré tout ça, ils ont des trous béants dans leur formation. Alors, ça, moi, je pense pas que c'est une question de coach. Je pense qu'ils ont un excellent coach. Et puis ils en ont passé dernièrement dans les dernières années des coachs, puis ça fait jamais, puis c'est jamais le bon, ça fait là. Tu sais, à un moment donné, il faut peut-être se regarder dans le miroir, puis regarder qu'est-ce qui se passe un peu plus loin que du côté de l'entraîneur. Effectivement. Marc, gros merci, on se reparle bientôt. Ça fait plaisir, Danny. Le collaborateur hockey, Marc Fortier.